On déroule tranquillou l'aspect française avec un nouvel extrait du premier effort studio de The Scalar Process, groupe de tech death français. Coagulative Matter, c'est le nom de ce premier effort studio. Et dans la foulée, Far East, extrait de la tête pensante, d'une des deux têtes pensantes, pardon, de Bluthouse Mord, une sortie de Debemus Morty Production, un album éponyme, Far East donc. Scalar Process, on va s'écouter le titre Poisoned Fruit Forest, on va s'écouter le morceau sobrement intitulé 3. Thank you. Pour la suite, toujours dans l'aspect française, on va s'écouter maintenant Carcol, formation de Doom qui nous vient de la région bordelaise. The Life and Works of Death, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique de Carcol? Et bah, beaucoup de très très bonnes choses hein, qu'on a pu le dire la semaine dernière. C'est clairement inspiré par les plus grands noms du Doom international. Et voilà, la musique est super efficace. Vraiment un plaisir et une excellente découverte nous concernant. Et dans la foulée de Carcol, Zéro Délicatesse avec Visceral Uprooting, un nouvel extrait du premier album du One Man Band Slam venu de Rennes. 1539 Square Kilometer Mass Grave, c'est le nom de ce premier effort studio pour Visceral Uprooting, toujours emmené par Anthony, hein, bien sûr membre de Dysmorphectomy, Cryogenical Excision et c'est déjà pas mal d'ailleurs. Carcol Works of Death, extrait de leur nouvel effort studio, Obstructed Defecation, le titre pour Visceral Uprooting, c'est parti. Hurry! Pour la suite, eh ben, on va quitter l'aspect française avec un dernier titre et une nouveauté, Sol Draconi Septem. Alors pour ceux qui sont un peu présents sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu l'émergence de cette toute récente formation nantaise. On est sur du Melodic Indus Black, premier album et première sortie studio pour la formation nantaise. Musicalement, c'est plutôt riche, les atmosphères sont vraiment coolos, rehaussées de synthé, de saxo, et pas juste sur un morceau, c'est vraiment des passages sur un peu tout. Des passages en chant clair, avec toujours un fond quand même black metal, et un petit défilé de guests, hein, puisqu'on a membres de Borgne, Merrimack, même Belenos. A noter que l'univers du groupe, au niveau des ambiances, paroles, des visuels, c'est basé sur les Cantos d'Hyperion, un cycle d'ouvrages de SF, hein, écrit par Dan Simmons à la fin des années 1900. Donc voilà, un projet global vraiment bien shadé et abouti. C'est spécial, suffisamment original pour que ça ait attiré notre attention. Félicitations Sylvain pour cette sortie studio. Je sais pas si tu nous écouteras, mais voilà, tu as bien évolué depuis Watan Warrior. Petit clin d'œil. voilà pour la présentation de la doublette qu'on va s'écouter tout de suite. Non. Après Sol Draconi Septem, voilà. Après qui on a fait une belle présentation. D'ailleurs oui, à noter que c'est sorti chez Time Tombs Production. Donc voilà, une entité également créée autour de la formation. On n'est pas loin des personnes qui gravitent autour de Black Speech Booking, etc. Des anciens du Venom Fest, donc voilà, des acteurs très présents autour de la scène nantaise. Et avec Sol Draconi Septem, on va s'écouter un extrait du nouvel effort de Hayat God. Donc là, on quitte la diff hexagonale, hein, direction la Nouvelle-Orléans. Quoique, le lien peut quand même se faire, pour le coup, hein. Une des régions les plus françaises des États-Unis d'Amérique. History of Nomadic Behavior, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Century Media. The War Lovers, le titre pour Sol Draconi Septem. Fake What's Yours, extrait du nouvel album de Hayat God. C'est parti. Yeah. la doublette suivante, on va s'écouter un titre de Spire qui sort son nouvel effort studio Temple of Kronos. L'album est déjà disponible et en doublette avec U, Suffering Hour du death metal qu'il va falloir suivre de très très près, une sortie Profound Lore Records. Spire, le titre Hymn One Tyrant enchaîne à Suffering Hour avec un extrait de leur nouvel album The Cyclic Reckoning, le morceau Obscuration. C'est parti. We'll be right back. pour la suite de la lourdeur et de la crasse, puisque tout d'abord on va s'écouter une nouveauté, Dune, formation écossaise formée en 2013. Alors au niveau de l'étiquette, on est sur du Progressive Stoner Sludge, lourdement inspiré par ce que peut nous proposer Mastodon, avec des relents mélodiques façon Barons et psychédéliques à la sauce Kaileza. Voilà, tout comme dans Mastodon, plusieurs types de voix, une plutôt rugueuse à la limite du death metal, et une plutôt claire et mélodique. Voilà, on pourrait limite même parler de prog post-metal. Enfin voilà, les titres sont vraiment bien chiadés, longs, les atmosphères sont ultra riches. Le groupe a déjà sorti 3 EP, c'est donc leur second album studio longue durée, une signature chez Metal Blade qu'il faut noter. Une grosseur de musique répartie sur 10 titres. Voilà, c'est hyper intéressant et très riche musicalement. Voilà pour les présentations pour Dune. Et dans la foulée, on va s'écouter la formation venue d'Argentine, Los Males del Mundo, du black metal plutôt coolos, qui se sont d'ailleurs octroyé les faveurs du bassiste de Derweg Anerfreiheit. Descent Towards Death, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Dune, le titre C14. Extrait de leur nouvel album Etemen Enka, Los Males del Mundo, Eternal Circle of Hate et Effort, extrait de leur nouvel effort studio, déjà dispo chez Northern Silence Production. Et c'est parti pour la doublette. We'll be right back. On arrive tranquillou à la fin de l'émission pour aujourd'hui, mais séchez vos larmes hein, si vous nous avez raté, pris en cours de route ou si vous avez terriblement envie de nous réécouter. L'émission sera dispo dès demain en fin de journée via notre petit blog, hein, vous tapez Banger Blogspot, vous avez rêvé dessus et vous avez même l'historique des émissions précédentes au cas où vous voulez vous faire une grosse séance rattrapage. Ce sera bien sûr avec plaisir, n'hésitez pas à cliquer. La suite, donc pour la doublette à venir, Knives, groupe espagnol sur lequel je me suis complètement chié dessus la semaine dernière niveau présentation. Groupe espagnol qui nous vient du Pays Basque. On est sur un espèce de cross 10 bits décisant. On est plus proche d'un Wolf Brigade par exemple, ou un groupe suédois qui tape un peu dans cette veine-là. J'avais présenté ça vraiment comme du death and roll, mais on est vraiment plus sur du death cross 10 bits. Voilà, bon après c'est une histoire de coups et de douleurs et d'étiquettes surtout. Knives donc qui nous sort son nouvel effort Collapse, et dans la foulée Gravesend, son nouvel effort studio Method of Human Disposal. Là on est sur quelque chose de bien crado hein, dans la musique de Gravesend comme présenté dans les semaines précédentes. Du une espèce de black grind ultra vénère qui nous vient des USA, premier effort studio. Voilà, les présentations de la doublette sont faites. Knives avec le morceau Handcraft Utopia, Gravesend le morceau Ancient Piles of the Insurrected, c'est parti. Just say it. Et voilà, ça va être l'heure de se quitter, et on se quitte de la plus belle des manières avec un nouvel extrait du nouvel effort studio des maîtres, tout simplement du gore grind international, et plus précisément venu de Holland, Last Day of Humanity, qui sort un nouvel album venu de nulle part. Horrific Composition of Decomposition, une sortie sur la label tchèque toujours Rotten Rolex. La petite doublette de Last Day pour bien clôturer l'émission d'aujourd'hui. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Coagulative Necrosis et Mass Chromatography, extrait du nouvel effort de Last Day of Humanity. Ciao, ciao. You are all going to die tonight.